la crème, hein. Hey. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait ravaler dans le dos. Trop l'emporte, tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les tempes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, NW est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle liasse, Rolls Royce, pétasse, trop stable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club, refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, black cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, hein. Left on the plane, came on the boat, 300 chains, came in her throat. Ain't no telling where a nigga might be. Nick game floor seats right next to Spike Lee. I be hiding the motherfucker, flying in the motherfucker. 500 horse, ride like a motherfucker. Please tell me what these niggas selling with. Pressure on tight, you know these niggas telling. Champagne like July 4th, buggy out Porsche. Beat the pussy up, Scott Storch. Montana again, A-Rap money. Laughing to the bank, cause these niggas funny, huh? Vegas, Vegas. Rolls Royce, pétasse, trop stable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club, refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, black cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, huh. All we do is get money, huh. Pull up in the yacht, count hundreds, huh. European car, bad bitches, huh. Young rich nigga. Tu ne verras pas sucer pour des lauves. Pour avoir ta chatte, t'auras jamais du mot. 6.3 frérot, je te vois plus. Si tu parles au day, je suis toujours à l'affût.